On en a pris les côtés funèbres du cirque et on a rejeté son côté festif, joyeux. On a trouvé triste l'ambiance du musée du vieux cirque. On a prétendu les vider de tant de choses qui avaient été gaies et qui nous font sentir tristes. Et donc on parle de se désangoisser, comme si on pouvait extirper l'angoisse dès qu'elle se présente. La censure est allée jusqu'à la punition du spectateur. Les spectacles réels et la réelle terreur. On peut dire qu'on assiste à une époque qui ne veut pas de témoins.